je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que... Dans le fond, ça c'est un peu les notes qu'on a prises lors du projet. J'ai pas de présentation, mais je vais y aller. Donc le but était d'entamer des discussions sur la création d'un portail de données ouvertes avec des données axées sur les saines habitudes de vie. Donc, on peut parler de santé, de santé au niveau tant santé physique que santé mentale, de tous les organismes de la... Pour le moment, on se concentre sur le quartier du Limoilou, des organismes communautaires qui ont à cœur tout ce qui touche à la santé physique, la santé mentale, et rassembler ces informations-là dans un portail de données ouvertes. Parce qu'en ce moment, il y a des données ouvertes, comme j'ai présenté au début de la journée, au niveau municipal, au niveau gouvernemental, provincial, fédéral et en continuant, mais il y a très peu de données qui existent au niveau communautaire, au niveau des organismes communautaires, au niveau du local. Donc, le but était de brainstormer sur comment on pourrait construire un portail de données ouvertes sur, justement, pour aider les organismes qui font la promotion et qui aident à améliorer la qualité de vie et les habitudes de vie des gens dans leur milieu. Donc, c'était une première rencontre. Qu'est-ce qu'on a discuté au début? On était plus en mode, on va prendre les sources qui existent déjà ouvertes des différents gouvernements, puis juste comme toutes les rapatrier ensemble pour créer par exemple une carte ou quelque chose comme ça. Mais après ça, on s'est rendu compte que, au fil des discussions, que ce que les organismes communautaires recherchent en premier et qu'est-ce qui les inciterait à participer à ce genre de projet, c'est que eux, à chaque année, pour avoir droit à du financement, que ce soit de part de Centraide ou de la Croix-Rouge ou des autres grands organismes qui financent des plus petits organismes, ou des gouvernements de différents paliers municipaux, provinciaux ou fédéraux, ils doivent faire des redditions de compte de leurs activités, de qu'est-ce qu'ils ont fait pendant l'année avec l'argent qu'ils ont su l'année d'avant, quels projets ils ont mené à terme, ils ont aidé combien de personnes, si c'est une banque alimentaire, ils ont servi combien de kilogrammes ou de tonnes d'aliments, est-ce qu'ils ont eu des surplus de tel type d'aliments, est-ce qu'ils en ont manqué de telle sorte, est-ce qu'il a fallu qu'ils déménagent parce qu'il y avait plus assez de local, tout ce genre d'informations-là, c'est des informations que les organismes ont, qu'ils publient souvent dans un rapport annuel en format PDF sur leur site web, mais c'est jamais centralisé et il n'y a aucun format standard. Fait qu'on s'est dit, on pourrait aider les organismes à faire leur exercice de reddition de compte et prendre ces données-là et les rendre ouvertes dans un portail où ce que ça pourrait eux leur simplifier la vie et de l'autre côté fournir des données aux citoyens sur quels sont les organismes autour d'eux, qu'est-ce qu'ils font, lesquels ont besoin de financement, lesquels sont sous-financés, lesquels sont peut-être surfinancés et empêchent un organisme voisin de bien aller, donc ces organismes-là pourraient se joindre ensemble et travailler ensemble. Et c'est un peu ça l'idée. Moi, j'étais là plus pour le côté source de données et aussi le défi qu'on avait, c'est justement, on a des données qui sont publiques et qui sont dans des fichiers Word, des fichiers PDF, des fichiers Excel, et de trouver justement un moyen de ramener ces données-là dans des formats plus consommables, type JSON ou CSV ou XML. Donc, au cours de la journée, il y a eu différentes équipes. Dans le fond, c'est ça l'objectif, et dans le fond, de rendre ces données-là accessibles aux organismes, institutions et citoyens, et qu'elles soient présentées sous une licence Creative Commons pour être réutilisées. Ça, il y a des descriptions des différents organismes. Des définitions aussi de c'est quoi qu'on se considère un mode de vie actif, alimentation. Ça, c'est les bases qu'on avait un petit peu. Ça, c'est les coordonnées de tout le monde qui était là. Ça, c'est notre document à nous. Les outils de travail, c'est ça. Moi, ça, c'est une des parties que j'ai apportées. Je vais parler plus en mon nom là-dessus. C'est ça, certains outils qui existent pour justement extraire des tableaux de. Des PDF, prendre des fichiers Excel et rendre dans des formats plus standards. Donc, c'est des outils qui existent, qui sont disponibles dans le monde open source. Donc, Tabula, c'en est un. Il y a un outil qui s'appelle PDF HTML. Puis, il y a un outil open source de la Fondation Apache qui s'appelle Tika, qui permet de transformer un PDF en, en JSON pour celui-là. Et encore là, après ça, il y a énormément de déployage à faire. C'est déjà un job super propre. Donc, les besoins qu'on avait, c'était de documenter c'est quoi les saines habitudes de vie. Donc, par exemple, c'est quoi des barrières à l'activité physique. Fait que, par exemple, les secteurs d'une ville où il va y avoir beaucoup de pistes cyclables versus un secteur de la ville où il va y avoir peu de pistes cyclables. Un endroit où il y a des trottoirs, où ils sont déneigés l'hiver, ou un endroit où les trottoirs ne sont pas déneigés. Un quartier qui est isolé de des activités physiques ou des centres d'activité physique par une autoroute, par exemple. C'est une barrière physique qui fait en sorte que les gens, même si c'est à proximité, à vol d'oiseau, ben c'est loin en distance de marche parce qu'il y a une autoroute ou il y a un cours d'eau, quelque chose qui sépare les gens d'une infrastructure. Et ça, c'est des choses qu'on voulait rechercher. C'est ça, faire un appel de données auprès des organismes, puis ça, on était revenu à quelque chose qu'on pourrait faire plus tard. Donc, les principales sources connues, l'enquête nationale des ménages, donc les données du gouvernement fédéral, puis une portion sur la santé. L'enquête origine-destination, qui ça, je crois, qui était une carte pour savoir d'où les. C'est quoi les trajets que les gens font dans leur vie, savoir c'est d'où ils partent, où ce qu'ils vont et comment ils y vont. Ça, les cartes de la ville, encore là, une fois, on a utilisé l'OpenStreetMap du quartier Limoilou, ce que Bruno nous a présenté tout à l'heure. On a regardé ça un peu là, sur comment on pourrait mapper les organismes communautaires sur cette carte-là, par exemple. Atlas statistique et les données de la Ville de Québec et du gouvernement du Québec, c'est ce qu'on avait identifié. Données, directeur général des élections a des données au niveau socio-économique par circonscription, par découpage électoral, par bureau de vote. Et il y a des données aussi qui existent Atlas du Québec en forme et État du vélo, ça c'est des données qui sont pas dans des formats ouverts, mais justement qu'il faudrait comme décortiquer pour les ramener en table. C'est des documents en PDF, mais qui ont des licences qui permettent la réutilisation. Et si on avait identifié les différentes sources de données qui sont souvent en format non structuré, ça c'est le travail qu'on va faire dans le futur. Donc ce qu'on a fait cette journée-là, c'est remplir vraiment ce document-là, identifier tout ce qu'on pouvait trouver de sources. Et après ça aussi, ça fait que les prochaines étapes, c'est ça, construire un sondage auprès des organismes. Donc ça se fait en ce moment. Il y a un sondage qui a été développé et qui est envoyé à tous les organismes pour le moment du quartier Limoilou, Limoilou Saint-Roch et Mézeray surtout que ça touche, pour savoir dans quelle mesure ils pourraient, eux, fournir des données, puis qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme utilisation des autres données. Ça, l'aide du sondage, c'est quelque chose que je ne connais vraiment pas, parce qu'on n'a pas vraiment parlé ce jour-là. Et c'est ça, on a séparé nos équipes en trois équipes de travail. Une pour identifier les besoins, les déterminants. Dans le fond, c'est quoi les variables explicatives du niveau de santé d'un individu, d'un niveau de prise de saines habitudes de vie. Donc, identifier l'isolation sociale, nutrition, santé physique, santé psychologique, les infrastructures, vie démocratique, mobilisation dans la communauté, déterminants socio-économiques, accès aux loisirs et à la culture. Donc, ce que François nous a présenté tantôt, les activités de loisirs de la ville, c'est quelque chose qu'on a regardé. L'environnement physique, la qualité de l'air, bruit, espace vert, l'urbanisme, les eaux fraîcheur, les eaux de chaleur. Des endroits où l'été c'est très bétonné, très asphalté, où personne ne peut avoir des problèmes de santé respiratoire. Milieu de vie pour les enfants, est-ce que c'est un endroit qui a des garderies, des écoles, des terrains de jeu à proximité? Et environnement social, est-ce que les gens sont proches de leur famille? Est-ce qu'ils sont dans un voisinage qui se sent confortable? Est-ce qu'ils s'intègrent bien dans leur voisinage? Mais ça, c'est tous des indicateurs qu'on a identifiés, puis l'idée serait d'aller chercher des données disponibles pour chacun d'eux et construire une base de données ouverte là-dessus. Et ça fait qu'on identifie un champ lexical. Moi, j'étais dans l'équipe B, où ce qu'on est plus, on prenait le tableau qui était produit par l'équipe A, puis on allait chercher des données qu'on a rassemblées dans un dictionnaire de données. Et l'initiative de Guillaume pour le format. Donc, on identifie différentes sources, la qualité, le format qui est disponible, le découpage, de quoi ça parle. Il y en a là-dedans que c'est des données ouvertes, il y en a que c'est des données pas ouvertes qu'on pourra entamer des discussions, par exemple, pour les faire ouvrir. C'est ce qui a été fait pour le moment. Et dans le fond, je pense que l'idée de. Je viens de présenter ça aujourd'hui et que ce projet-là a eu un atelier. Il va en avoir par la suite qui vont être annoncés sur le site de votre coursa. Et si vous êtes intéressé à venir participer à ce projet-là de création d'un portail de données ouvertes sur les saines habitudes de vie, ben, vous êtes bienvenus. Puis je crois que c'est pas mal ça qui. On pourrait dire, François, c'est que. On disait que la prochaine étape qui est en cours actuellement, c'est faire des sondages pour les OBM pour aller à la recherche, à la pêche. Clientèle, du moins des fournisseurs de données. Oui. De l'autre côté, l'équipe technique, c'est créer un portail de données ouvertes. Oui, c'est sûr. Là, on n'est pas encore arrêté sur la technologie. Lors de la rencontre, on a parlé peut-être de CICAN, d'autres choses. On avait soulevé le fait que ça serait intéressant d'avoir un partenaire, parce que ça, des fois, ça coûte de l'argent pour l'hébergement, tout ça, donc la visibilité, avoir un partenaire technologique. On avait parlé d'OVH, on avait parlé de, d'autres, au moins des entreprises à Québec. Qui seraient intéressés eux autres parce que leur, ça leur fait de la visibilité ou du moins qui peuvent, dans le cadre de leur programme, des fois pour la communauté, peuvent participer. Donc, il y a cette étape aussi à faire. Moi, j'ai un contact chez Microsoft qu'il faut que j'y reparle bientôt à ce sujet-là, justement. J'ai lancé une perche dernièrement et il vient d'arriver chez Microsoft. Fait qu'il, comme il dit, je suis en formation en ce moment, c'est pas le temps de. C'est des projets, mais c'est quelqu'un qui justement est très intéressé à tout ce qu'il y a de données ouvertes. Bien, justement, Microsoft a lancé DocumentDB, une technologie compétitive ServiceRest, JSON, identique à Elasticsearch. Sauf que je vous invite à aller lire les forums, c'est que c'est tout sauf une technologie ouverte. Le jour où tu mets tes données là-dedans, je veux dire, c'est pas l'offre DocumentDB de Microsoft qui est cloud, exactement comme tout le monde va le voir, mais c'est pas une offre, c'est pas un logiciel libre. Un logiciel libre, justement, il y a toute la problématique. Si on met des données ouvertes, on veut pouvoir les déplacer. C'est la beauté de travailler avec des logiciels libres. On peut construire l'idée, c'est pas d'utiliser les outils de Microsoft. C'est de monter du VPS sur Azure, par exemple, ou sur OVH. Absolument. C'est ça, c'est juste que moi, c'est ça, j'ai un partenaire, quelqu'un qui semble intéressé. C'est un enjeu de financement. Exactement, c'est ça. Le où n'est pas important. Rendu là, si une de ces entreprises-là à Québec dit on embarque dans votre projet et on vous offre le hosting, ben c'est parfait. Ça peut être OVH, ça peut être Microsoft, ça peut être IBM, ça peut être Amazon, ça peut être Novipro. C'est ça, tu sais que jusqu'à t'avais Hacking Health, t'avais Microsoft, t'avais des partenaires, t'avais une cour partenaire. Moi, c'est nous autres, c'est mon employeur qui a participé à la Kinyot. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher de la visibilité du financement. Côté technologique, je suis d'accord que c'est important de s'assurer toujours qu'on a le contrôle dessus, de ne pas s'empêtrer dans une technologie qu'on ne pourra pas ressortir éventuellement. Donc, c'est un enjeu, mais comme on dit, le but premier, c'est visibilité du financement. C'est ça. Ben, je pense qu'un projet comme le vôtre, par exemple, où vous voulez lancer des données ouvertes, qui intéresserait votre communauté d'intérêt. Là. Des acteurs comme OVH qui sont ici sur la rue et qui ont des machines à n'en plus finir. Vous voyez, là, moi, mon serveur Elasticsearch que j'héberge à 5$ chez OVH, les mêmes caractéristiques techniques ailleurs, justement, chez la compagnie Elasticsearch, c'est 50$ par mois. Alors, il y a moyen de faire rouler effectivement des logiciels libres sur n'importe quelle plateforme. C'est ça, c'est du moment qu'on n'a pas la facture mensuelle d'héberger ça, puis tu vois le, un projet de OpenStreetMap, mais OpenData Paris, utilise Elasticsearch, si tu vas dans données ouvertes, OpenData Paris, c'est un projet qui s'appelle DataSoft. C'est des gens qui ont hacké Elasticsearch pour rendre des données ouvertes avec des interfaces avec Ibana. C'est exactement le modèle Elasticsearch Ibana, mais dans une off-cloud, et leur projet s'appelle OpenDataSoft. Évidemment, c'est du cloud payant. La ville de Paris a pris un abonnement avec cette compagnie-là pour rendre ses données disponibles. Mais si tu descends en bas, là, tu vas voir le logo de OpenDataSoft. Et c'est ouais. Ça. Et ça, c'est un framework commercial, mais construit par-dessus Elasticsearch pour rendre disponibles des données ouvertes à la ville de Paris. C'est très bien fait. Moi, j'avais suivi OVH comme partenaire d'hosting potentiel parce qu'on avait quand même parlé pas mal de SICAM, construire nous-mêmes le portail. Bref, ça, c'est pas encore calé. Le but, justement, c'est de garder toutes les possibilités ouvertes. Tu vois, juste un commentaire sur SICAM, te disant que je connais SICAM, c'était à l'origine une plateforme pour diffuser des catalogues de données ouvertes. C'est devenu un outil pour mettre des données aussi dans SICAM, mais comme plateforme technologique, si tu regardes c'est quoi le hype d'Elasticsearch en ce moment au niveau mondial, comme plateforme de stockage, SICAM n'atteindra jamais ces niveaux-là. Là. Dans le sens que si on fait des données ouvertes, ça prend des clusters, c'est du big data, puis SICAM, c'est pas un projet pour faire ça. C'est un excellent projet pour faire des catalogues de données. Open Knowledge Foundation l'a utilisé. Il y a eu plusieurs occurrences de SICAM dans le monde. Mais SICAM, c'est pas une plateforme de stockage. Oui, il les host pas, c'est ça. C'est ça. Tu les host ailleurs. Faut que tu les héberges tes données à l'extérieur du catalogue. Dans un S3 ou un n'importe quel type de stockage comme ça. C'est ça, il y a la question de l'hébergement qui est essentielle pour faire du big data, là, mais il y a du monde ici qui sont payés pour faire du développement open source, puis qui travaillent à temps plein sur des projets open data open source à Québec. On est strictement payé pour faire d'open source, mais ça permet donc de open source à travers le travail. Tu poses dans ta job des projets open source. Dans le fond, on ne construit pas, c'est notre tribu, si on se regarde de faire ce qu'on fait sans open source. Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'utilisateurs, en fait, la plupart des compagnies à Québec, dans le web, dans les technologies, bénéficient de l'open source. Mais combien ont contribué à. Au Québec, on n'est pas rendu là, je pense, là, mais on change de clients américains, puis ils font. Oui, c'est ça, c'est le modèle. Les développeurs d'open source au Québec, il y en a dans la technologie de visualisation de données, une entreprise qui s'appelle Plotly. Qui est basé à Montréal, puis eux, ils ont une plateforme web de visualisation de données, et là, quelques semaines, ils ont open sourcé entièrement leur logiciel. C'est software as a service, là, c'est payant, là, mais. Ouais, ben, il faut financer quand même. Mais c'est ça, c'est qu'eux, ils offrent le service, mais leur outil derrière, ils l'ont rendu open source dernièrement. J'ai un problème de blanc sur blanc. C'est ça, c'est un outil, c'est ça qui s'achète, que tu peux créer un graphique, un tableau, tout ça. Mais c'est ça, le logiciel derrière ça, c'est Plotly, c'est fait avec D3, le JavaScript D3. Puis c'est. C'est une version commerciale de D3, un peu user-friendly. Oui, c'est ça, mais non, mais leur outil est en R. Entre autres, ils ont le package. Et autonome et entièrement open source. Là. Fait que c'est quelque chose qu'on peut utiliser gratuitement. Puis c'est ça, c'est développé. Plotly, c'est une startup de Montréal. C'est un produit. On a un produit ici qui est un produit fait au Québec. En fait, toutes ces plateformes-là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les gens construisent des plateformes propriétaires dans le cloud qui vont louer. Et c'est, toutes ces plateformes-là sont construites avec du code open source. Mais en bout de ligne, tu deviens enfermé dans un framework. C'est un très bon modèle. Ça, c'est du R, là, c'est open. C'est, écoute, c'est super. Ce que je comprends, là, c'est, c'est une plateforme. Ils ont bundlé R dans une plateforme web, là, où user friendly. Oui, mais ils ont fait le contraire. Par la suite, ça, je dis, dans les dernières semaines, ils ont pris la plateforme web, ils l'ont bundlé dans un truc qui est sur le sens GPL, puis ils l'ont envoyé dans la communauté R. Fait que tu n'as même plus besoin d'aller sur leur site web. Tu downloads le package, puis tu peux faire ça offline complètement sur ton laptop. Donc, c'est ça, tu as le choix pour ceux, les patentés qui peuvent vraiment dire, moi, je veux faire tout en open source, j'ai le temps, puis j'ai le. C'est ça, des organisations ou des ministères, des compagnies disent, ben moi, je suis prêt à payer parce qu'on ne veut pas se compliquer la direction, on n'a pas les ressources ou le même. Non, c'est sûr. C'est comme être abonné à l'auto un peu versus avoir son auto, tu sais, tu loues la voiture quand t'en as besoin. C'est sur GitHub, là, ils l'ont pas de sourcé, ça fait pas super longtemps qu'ils ont mis tout ça. Mais c'est disponible, c'est un package R, puis on fait du code, puis ça fait des graphiques super beaux. Puis ça, c'est un exemple de projet.